Ouais. C'est la fabrique, c'est Jerrycan. Ouais. Ok, Tire un coup en l'air, c'est pour les absents. Un autre dans le tas, juste pour crever l'abcès. J'entends que ça parle mal, je trouve ça absurde. Pour toi, je crache des lyrics liquides pour que tu les absorbes. Le bis part en couille, je reste là et j'observe. T'affends la rime dans l'ombre, car percer le truc qui m'obsède. Pourquoi tu t'obstines à vouloir tester les quatre types au flow distinct? C'est dangereux comme jouer avec le feu, donc garde tes distances. Y'a rien de surhumain, juste des propos qui surinent. V'là le topo. Même si on a le flow qui vaut de l'or, le tien trop pauvre. Du vrai, c'est ce qu'on te propose. Au sommet, ce beat me propulse. J'rappe pour que mes cailles bougent la tête et disent trop fort. J'fais les choses simplement, sans trop en faire. Sincère, j'tige pas, comme un sportif carburant aux enfêtes. Là, j'crois que c'est bon, donc venons en fait. On a l'équipe qui mène au score. Toi, tu pleures, marrant comme une balle trinque, se prenant pour le plus gros scar. Hors de mon stylo, l'encre jaillit, c'est un exercice de style, on mène les faux à la faille. Trop de buts deviennent disques d'or, rebond dans les disques d'or. Mon triste sort, faut que les vrais sortent, t'es pas dans le bis, tu sors. Sors net qu'on s'en mette plein les poches, qu'on s'en mette sur nos feuilles, on s'endette. Les proches nous s'endettent. Ta page lyrical, la fabrique c'est Duce au Kned, Iken, c'est mon acolyte Jerrycan. Caisse claire et grosse basse, son pour grosse caisse, grosse tasse, grosse quart de batesse. Ouais, ouais, pas hip hop dans le sang, juste dans le son. Je vais croquer comme ceux qui rentrent armés dans le sac. Beaucoup de faux, tu connais un tel, tu rentres dans le cercle. Petit pochon, tu veux passer au kilo dans ce deal, je les baisse, c'est pute. Au micro-short, je les teste, c'est dur, je déteste milieu. Mais j'apposerai mes testicules, c'est ridicule. Petite passeuse française qui rit, sans personnalité. T'es qu'un pion, pas une rivalité, je ris, fais pas tes crinries. Mimique de putain, textuellement je bouffe les quinries. Donne au vrai le gros du putain. Toi et les tiens, vous voulez tes skis. Expédition punitive, impossible de vesqui. C'est la combinaison de maîtres, des MC. Un beat trop fort, on se place dans ce deal pour vous la mettre profond. Toi et les tiens, vous voulez tes skis. Expédition punitive, impossible de vesqui. C'est la combinaison de maîtres, des MC. Un beat trop fort, on se place dans ce deal pour vous la mettre profond. C'est la fabrique pour les refs, en direct, live de l'Essonne. Transforme le microphone, verbal Smith et Wesson. Je fais couler l'encre et la rage prend forme. J'ai le flow, les textes, les faux, je déteste. Donc s'il faut, j'explose les têtes et j'pose des pertes, t'exposes mon texte sur le track. Maintenant tu sais à quoi tu t'exposes. Donc pourquoi tu jacques, premier maxi dans les bacs. Objectif, vendre un max de disques. Et moi j'braque le beat, même si tease mon flow par pack de disques. Donc j'm'attraque le beat, explicite quand j'attrape le beat. Et les tasses m'équipent, elles s'excitent, ça leur gratte le clit. Tu capes le trip, j'représente ma clique. La fabrique en 2004, qu'on palpe le fric, qu'on schlave ces types. Toutes ces tarlouses qui partent tous entre VIP. Pourris par la coke et par le flou, c'est triste de voir tous ces PD squatter les bains à touche. Claquer leurs mailles tous les soirs pendant que la banlieue. D'abord je mets le casque ma couille. Hein quoi putain un truc boom, balle trou ta doudoune. Un beat pompe donc flow balle boum boum. Vas-y roule, coule un buzz, un vas-y deux. Vas-y footsbull, deux petits skeux roulant 2002. Vas-y coule un rug, deux sky pour notre rug. Deux, puis toujours certains me diront parti au sky. D'odyssée la vie, que la roue tourne donc des fois t'écrases. Et moi je dis ça, bah un vinyle qui tourne les langues de pute s'écrasent. Oh c'est douché, attends moi on nous connaît. Non c'est pas vrai, donc vas-y fais du rap personnel. Dans le gueux t'as trop de mackerel, trop de quatrelles. Dans le beurre à des balles tringues. Appel, qui se trimballe pète chez toi, tu vois je tringue, ton bal trou sur un simple appel. Tu vois le monde se divise en deux, y'a le trou, prends le flingue pas la peine. Tu vois, j'flingue, wesh connard, dis-moi que t'as rien à perdre. Tu crois que j'blinde mon pétard avec, déjà quoi du merde. Non, de l'herbe, j'sais plus mais j'le tasse sur le charlet. Bon à plus, non faut que j'doute, oh les bacs ça allait. Toi et les tiens, vous voulez tes skis. Expédition punitive, impossible de besky. C'est la combinaison de maîtres, des MC. Un beat trop fort, on se place dans ce deal pour vous la mettre profond. Toi et les tiens, vous voulez tes skis. Expédition punitive, impossible de besky. C'est la combinaison de maîtres, des MC. Un beat trop fort, on se place dans ce deal pour vous la mettre profond.